À l'occasion de la 9e conférence de l'Union de jeunesse socialiste Kim Il-sung, la compagnie industrielle Frigo Glass du Nigeria a organisé une exposition de livres coréens. Y étaient exposées les œuvres des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, les livres qui présentent leur grandeur et les réalisations des militaires et civils coréens obtenues sous la direction sage du camarade Kim Jong-un dans l'éducation d'une puissance socialiste.